Le 31 janvier 1961, Ham est devenu le premier chimpanzé à aller dans l'espace. Sélectionné parmi 40 autres singes, il ne fut nommé Ham, du nom du centre de médecine aérospatiale Holoman, qu'après le succès de sa mission. En lui, Donna Haraway dit voir l'enfant parfait, né de la matrice froide de l'espace, l'incarnation du nouveau-né cyborg. Animal, humain et machine, nature-culture. La preuve qu'il n'existe pas de corps naturel, donné, tel quel, mais seulement des corps truqués, hybrides, augmentés. Faut-il en déduire que la nature n'existe pas, qu'elle n'est pas accessible, qu'il faut y renoncer ou sans cesse essayer de la reconstituer? Mais alors, comment? D'où et dans quelle langue? Pour la première fois dans l'histoire, un singe a été envoyé dans l'espace par les Américains. C'était l'une des expériences décisives avant l'envoi d'un homme. L'opération a à moitié réussi, le singe vient de retomber il y a quelques instants, mais il n'est pas encore récupéré. J'interroge tout de suite Pierre Canès à New York. C'est à l'extrémité d'une fusée Redstone, haute de 17 mètres, qu'a été placée la capsule Mercury dans laquelle a été placé un chimpanzé de 16,5 kg, haut de 90 cm, âgé de 3 ans et demi et né au Cameroun, annonce la NASA. À 3000 mètres, un parachute est ouvert et c'est à la vitesse extrêmement réduite de 216 km à l'heure que la capsule a pris contact avec la mer à 650 km de son point de départ. La NASA a choisi un chimpanzé en raison de ses réflexes très semblables à celui de l'homme. La capsule n'a pas encore pour le moment été récupérée. Bien, souhaitons que la marine américaine arrive à temps pour sauver ce chimpanzé. Ce pourrait être, faut-il le rappeler, un homme. Bonjour Florence Kemax. Bonjour Géraldine. Vous êtes chercheuse au FNRS, Fonds National de la Recherche Scientifique. Vous êtes professeure de philosophie à l'Université de Liège. Vous êtes d'ailleurs en direct depuis Liège. Merci d'être présente de loin. Et l'on vous doit aussi Habiter le trouble avec Donna Haraway. Ce sont des textes que vous avez réunis et présentés avec aussi Vinciane Després et Julien Pierron et qui sont disponibles aux éditions du Dehors 2019. Alors on fait toute cette semaine sur Donna Haraway, Florence Kemax, et il faut préciser que chez elle, la biologie a une place tout aussi grande que la philosophie. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ah oui, on peut le dire comme ça, et je crois qu'il faut même commencer par là, parce que la première formation de Donna Haraway, c'est quand même une formation de scientifique, et effectivement dans le domaine de la biologie. Mais ce à quoi elle a aussi ajouté une formation à la philosophie et à la littérature, et c'est quelque chose que l'on ressent très très bien dans son travail, qui est à la fois vraiment nourri par les travaux scientifiques, je vais en redire quelque chose, et d'autre part, où il y a une présence ou un florement de l'écriture et d'un travail de l'écriture qui est lui aussi très important, qui compte en fait dans la pensée de Donna Haraway elle-même. Voilà, une sensibilité à l'écriture, aux mots, au langage, on y reviendra, qui est tout aussi importante que la précision dont elle a pu faire preuve dans les travaux qu'elle a consacrés à l'histoire de la primatologie, à l'histoire de cette science qui s'est intéressée aux singes anthropoïdes, et qui a cherché là une manière aussi d'interroger l'humanité, en fait. Voilà. Donc la dimension biologique, vous voulez dire, se ressent tout à la fois dans les thèmes traités, on va dire dans le fond, quand vous dites qu'elle a été nourrie en fait par la biologie, que dans sa manière en fait d'écrire. Alors, on pourra peut-être y revenir un peu après, parce qu'il faut d'abord sans doute un peu préciser quelle biologie, etc. Mais oui, même son écriture, en fait, on pourrait dire qu'elle est habitée par des figures qui elles-mêmes sont prélevées dans le discours de la biologie, dans les sciences biologiques, en fait. Voilà. Donc, par exemple, quelle figure? Les primates, on peut dire. Quelle autre figure? Oui, ben je pensais pour ce qui concerne l'écriture et son caractère extrêmement riche, entrelacé, la profondeur des références ou l'épaisseur, on pourrait dire empilée de toutes les références dont elle se sert, m'évoque à moi l'image du compostage, de la connexion des organismes qui est peut-être mise en évidence aujourd'hui, on pourrait dire dans des segments ou des secteurs particuliers de la biologie. La biologie qui s'intéresse aux champignons, par exemple, bien sûr à celle des virus, etc., etc. Voilà. Autre question. Allez-y. Oui. Non, je voulais dire que quant aux primates, alors là, ce sont aussi des figures, et ce sont les figures qui sont les plus présentes dans son travail, dans sa réflexion d'historienne des sciences, au début de son œuvre, on pourrait dire de son œuvre publiée, du travail qu'elle fait dans les années 70. Donc, autre question que je voulais vous poser, vous allez dire, vous disiez que nous allions y revenir, mais quel type justement de biologie irrigue le travail philosophique de Donna Haraway? Est-ce que c'est uniquement une biologie qu'on pourrait dire qui relève des sciences naturelles, qui relève en fait du savoir animal, du savoir végétal? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est vrai que ses premiers travaux, donc elle a cette formation aux sciences naturelles au départ, et quand elle se met à écrire sa thèse, je pense qu'elle a une discussion avec son directeur de thèse qui finalement la place sur un, on pourrait dire, une zone frontière dans la dimension des disciplines, et qui lui accorde finalement de réaliser une thèse en histoire des sciences plutôt qu'une thèse de sciences naturelles. C'est la première chose. Et ces travaux d'histoire des sciences vont se porter d'abord sur une science très particulière qui est la primatologie. Et pourquoi est-ce qu'elle est particulière? Eh bien, parce que la primatologie n'est pas seulement une branche de la biologie, mais c'est aussi quelque part une science qui voisine avec les sciences humaines et sociales. Pourquoi? Eh bien, parce que dans la vie sociale des singes, on a longtemps cherché l'image, les raisons, les causes, les indications pour comprendre la vie sociale humaine. Et donc, d'une certaine façon, Donna Haraway se situe dans une zone qu'on pourrait appeler des sciences biosociales, à la frontière des sciences biologiques, des sciences naturelles et des sciences du social, que pourtant, habituellement, nous considérons comme étant des domaines séparés, des domaines indépendants. Alors ce que va faire, Allez-y, pardon. Comme on a dit, c'est effectivement plus difficile d'être fluide, pardon, allez-y. Oui, et puis nous ne nous voyons pas, ce qui fait que je perçois moins bien le rythme de l'échange. Mais ce que va faire Donna Haraway, c'est au fond interroger les sciences biologiques, et elle continuera de le faire par la suite, au-delà de la primatologie d'ailleurs, mais c'est d'interroger les sciences biologiques et de les envisager comme des réservoirs de figures, ce qu'elles ont été, hein, effectivement, pour notre imaginaire historique et social, et de montrer au fond que les sciences sociales doivent beaucoup aux sciences naturelles et en particulier à la biologie. C'est évident, par exemple, que les questions ou que les enjeux de progrès, de développement historique doivent quelque chose au schéma évolutionniste, et de montrer en retour que les sciences naturelles, que les sciences biologiques se construisent en posant des questions qui viennent à leur tour des sciences humaines et sociales, et parfois même de la philosophie, de l'histoire de la philosophie, puisqu'on sait bien que dès le début, par exemple dans les sciences économiques, des questions qui viennent de la nature en fait sont posées. Donc ce qu'elle va montrer, c'est qu'il y a des échanges permanents entre ce que nous considérons habituellement être deux domaines séparés. Alors, on va tout de suite écouter, Florence Kaimak, justement, un texte de Donna Haraway, extrait de son livre « Des singes, des cyborgs et des femmes, la réinvention de la nature », un texte paru en 1991, où justement, on entend, on pourrait dire, cette interpénétration entre le social et le biologique. Nous aimons regarder les animaux, et même apprendre d'eux des choses sur l'être humain et sur la société humaine. Le XXe siècle ne fait pas exception à la règle. Les corps des animaux, leur façon de vivre, nous renvoient des reflets fidèles des thèmes à l'honneur dans l'Amérique moderne. Nous nous contemplons dans le miroir animal poli par nos soins. C'est pour chercher à préciser la forme et l'histoire de nos corps, individuels et sociaux, que les sciences biologiques se sont intéressées de si près aux singes et aux anthropoïdes. La biologie se veut avant tout science de la forme visible, de la dissection de la forme visible, de l'acceptation et de la construction de l'ordre visible. L'étude des primates non humains, la primatologie, est autant source de révélations que d'illusions. Cela dépend de notre habileté à fabriquer les miroirs. Dans ses interprétations de l'importance des animaux pour la compréhension de la vie humaine, la primatologie a privilégié deux grands thèmes, la sexualité et l'économie, la reproduction et la production. Nos interprétations de la reproduction et de la production sont à double tranchant. Elles peuvent soit conforter nos vues sur le caractère naturellement et culturellement nécessaire de la domination, soit nous persuader qu'il faut apprendre à faire de la science pour révéler plus clairement les possibilités aujourd'hui fragmentaires dont nous disposons pour produire et reproduire nos vies, sans nous en remettre aveuglément aux catégories théoriques et aux pratiques concrètes du contrôle et de l'antagonisme. France Culture, Les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. On vient donc d'entendre un texte de Donna Haraway, un extrait des Singes et Cyborgs et des Femmes, la réinvention de la nature, interprété par Hélène Losseur, où on a entendu cette thèse qui va être fondamentale dans l'approche de Donna Haraway de la biologie par la philosophie. C'est qu'effectivement, quand nous regardons les animaux, nous nous regardons nous-mêmes. Ce qui veut dire, ce qui pose cette question et ce problème, Florence Caïmax, que finalement, nous ne regardons jamais les animaux pour eux-mêmes, mais finalement, nous regardons les animaux pour ce qu'ils disent de nous. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça ? Alors, on peut tout à fait l'interpréter comme ça, ou montrer en tout cas que c'est là le type de lecture que Donna Haraway fait des travaux de primatologie, mais on pourrait en dire autant, de la sociobiologie, etc. Parce qu'il faut tout de même rappeler qu'elle est dans un contexte anglo-saxon, où l'anthropologie biologique est très importante, la primatologie est très importante, et que c'est aussi un monde où on a un peu moins de scrupules, je dirais, que dans la pensée continentale du vieux continent traditionnel. On opère des circulations entre nature et culture qui sont beaucoup plus franches. Alors, évidemment, ce que montre Donna Haraway, c'est que nous avons besoin d'un certain recul critique, puisque très souvent, on va prendre argument ou tirer argument de l'observation des sociétés animales pour définir la manière dont les sociétés humaines fonctionnent ou doivent fonctionner. Et ça, ça mérite notre distance critique. Mais Haraway ne va pas pour autant établir du coup une différence radicale entre un ordre culturel qui serait propre aux humains et une nature qui serait ou qui fonctionnerait d'après des lois ou d'après des mécanismes spécifiques pour les animaux, les plantes ou autres êtres vivants. Haraway va pas du tout faire ça, mais elle va montrer précisément tout le travail d'intense circulation entre l'humain et l'animal, entre le culturel et le biologique qui animent nos sciences tant sociales et historiques que nos sciences naturelles. Et donc ce qui l'intéresse, c'est effectivement la manière, comme elle le dit, dont nous nous fabriquons des miroirs et dont les sciences vont devenir le support de nos histoires ou de nos narrations. Alors je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure, à l'évolution et aux théories évolutionnistes qui ont toujours évidemment une très grande importance aujourd'hui et qui continuent de connaître des développements. Eh bien, ces théories de l'évolution, elles ont une très grande importance dans la mesure où elles vont en quelque sorte s'agréger avec le discours du progrès, avec le discours historique qui, par exemple, s'est mis en place dans la philosophie au XVIIIe siècle. Et donc, quelque part, les sciences naturelles au XIXe, avec Spencer, mais aussi avec Darwin, vont en quelque sorte rejoindre les rails d'un questionnement sur l'histoire qui, là, pour le coup, est beaucoup plus ancien. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut dire que, quelque part, toute l'histoire de nos sciences naturelles d'un côté, sciences sociales de l'autre, est une histoire d'échanges, de prêts mutuels, réciproques, de figures, de schèmes, de narrations, à travers lesquelles nous répondons à des questions telles que qu'est-ce que l'homme ? Quelle est sa continuité, sa différence avec l'animal ? D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Etc. Et donc, ça signifie que nos sciences, quelque part, jouent, en tout cas pour nous les modernes, le rôle que joue finalement le mythe qui est une autre forme de narration ou de fiction pour les sociétés plus anciennes. À la différence que le mythe a une part de fiction qui est incompressible, alors que la science va prétendre être objectif. Et il faut revenir véritablement sur ce terme d'objectif, parce que ce que nous dit Haraway en disant que la frontière entre nature et culture n'existe pas ou est extrêmement poreuse, d'où d'ailleurs son invention du terme de nature-culture, c'est à la fois de montrer ces circulations entre la nature et la culture, mais c'est aussi de révéler les biais qui font que la nature telle qu'elle soit n'existe pas, est inaccessible en dehors de nos biais, soit finalement a toujours et presque n'existe pas en fait. Soit la nature n'existe pas, soit on l'atteint, mais elle est toujours atteignable à travers des biais. Alors, ça c'est vrai, oui, c'est quelque chose de très important. Donc, à cet égard, Donna Haraway effectivement s'inscrit dans un courant épistémologique, mais aussi de sociologie, des sciences, etc., beaucoup plus large très puissant, qui a été très puissant d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, qui a consisté à montrer que la nature, ou ce que nous appelons la nature, est un mot qui est censé désigner une réalité existante en dehors de nous, qui est comme à découvrir, qui est comme à déchiffrer, et qu'en fait, cette vision de la nature comme une objectivité en dehors de nous que nous devrions et que nous pourrions capturer à travers des méthodologies adéquates, si possible neutres, eh bien, cette nature-là, en fait, est le résultat d'une construction culturelle assez longue et qui est spécifique, on pourrait dire, à la pensée occidentale moderne. C'est la fameuse coupure entre la nature et la culture. Alors, la critique de la coupure entre la nature et la culture, elle a été faite dans différentes disciplines, mais elle est aussi apparue très clairement dans les travaux d'histoire des sciences, d'épistémologie, mais également de sociologie des sciences, à savoir l'idée qu'il existerait une réalité en dehors de nous et indépendante des méthodes, des approches et des instruments aussi par lesquels nous l'abordons, eh bien, est une construction, un héritage culturel. Alors ça, c'est un premier point. Et Donna Haraway peut s'accorder avec cette idée jusqu'à un certain point. Alors, en même temps, Donna Haraway ne dit pas non plus que du coup, la nature ou les réalités naturelles seraient de simples constructions culturelles. Ce ne sont pas de simples mots. Elle n'est pas constructiviste, en fait. Elle n'est pas seulement constructiviste, c'est-à-dire que c'est seulement une réalité historique. Voilà. Ce n'est pas seulement une réalité historique ou une réalité culturelle. On ne peut pas réduire ce qu'on appelle la nature à un assemblage de simples discours ou de simples mots. Donc on ne peut pas tout à fait ou pas complètement dissoudre la notion de nature. Et c'est pourquoi, vous avez raison, elle a utilisé à partir des années 2000, je pense dans le Manifeste des espèces compagnes, le terme de nature-culture en un seul mot. C'est une manière de nous dire, nous n'avons pas d'autre possibilité de nous connecter à ces réalités que nous appelons naturelles que nos discours, nos instruments, nos outils technologiques, ceux qu'on emploie dans les sciences, le microscope, les appareils de visualisation, les appareils de décodage génétique, par exemple, etc., les séquenceurs de génome et autres. Ce sont tous des outils à travers lesquels nous nous relions à ce que nous appelons la nature, aux êtres vivants, mais aussi aux êtres non humains qui ne sont pas vivants. Nous en avons besoin et ce sont en quelque sorte des extensions de nos corps. Ces extensions de nos corps sont elles-mêmes construites, ont besoin de discours, on a besoin par exemple de mathématiques pour les élaborer, par exemple pour faire un spectromètre. Voilà, nous en avons besoin et ce sont pour nous des manières de nous connecter à toutes ces réalités que nous cherchons à connaître. Donc ça veut dire que ces réalités, elles ont bien une réelle densité, elles existent autour de nous et nous y sommes connectés par nos corps et par tous les relais de nos corps que sont la technologie. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que même si ce que nous appelons la nature comme une réalité en dehors de nous n'existe peut-être pas indépendamment d'une culture qui a cherché à penser un réel au-delà de nos discours, eh bien pour autant, tous ces éléments qui font l'objet de nos sciences et que nous appelons de manière habituelle la nature, ne sont pas simplement des artefacts du discours ou de la mentalité occidentale, ce sont bel et bien des réalités. Et ce qu'il faut apprendre, c'est à réfléchir, à avoir une approche, je dirais, critique, réfléchie, attentive aux outils dont nous nous dotons pour nous connecter à ces différentes réalités. Parce qu'en fait, ces connexions, ces manières de connaître ne sont jamais innocentes. Elles emportent avec elles, elles impliquent avec elles des conséquences que nous devons prendre en compte. Ça, c'est, je dirais, le point important dans la déconstruction que Donna Haraway va faire du couple de la dualité entre nature et culture et son refus, en fait, on pourrait dire résolu, de laisser s'évaporer ce que nous appelons la nature dans une série de discours. On ne peut pas dire que voilà, c'est simplement culturel et que nous serions en quelque sorte enfermés dans nos représentations culturelles comme s'il n'y avait pas de réalité en dehors. J'ai beaucoup travaillé sur le terrain et en laboratoire sur les primates. Both in colonial and post-colonial situations. And I wouldn't use the word reinvention of nature. Mais aujourd'hui, je n'emploierai plus le terme de réinvention de la nature, qui sous-entend qu'elle aurait été inventée. Ces catégories, les singes, les cyborgs et les femmes, rendent impossible la catégorie de nature. C'est un de mes principaux enjeux, repenser les frontières entre animaux et humains. Et les machines et les humains font sens dans plusieurs situations. Mais je crois que la nature humaine est fondée sur une relation entre les espèces. Et je crois que les espèces comprennent aussi bien la terre, les paysages, les objets, la technologie. On vit dans un nœud de relations entre les espèces. D'ailleurs, en latin, le mot espèce signifie les différentes sortes de choses qu'on est capable de discerner. C'était la voix de Donna Haraway, une archive du 1er mai 2009, les Vendredis de la philosophie sur France Culture. C'est intéressant parce que dans cette archive, Donna Haraway revient sur le titre de son livre paru en 1991, « Des singes, des cyborgs et des femmes, la réinvention de la nature ». On entend qu'elle critique à la fois ce terme de « réinventer ». On entend bien ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, Florence Québec, à savoir que Donna Haraway ne pense pas que la nature soit complètement une construction, une invention, il y a bien quelque chose de naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette archive, elle dit aussi que la nature, cette idée d'une nature un peu unifiée, n'a pas vraiment de sens non plus, puisqu'elle est forcément culture aussi, elle est forcément liée à l'humain. Et ça, c'est déjà une, non pas une réinvention de la nature, mais on pourrait dire une redéfinition de la nature et peut-être une forme de scepticisme à son égard. Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, premier point, donc effectivement, la réinvention... Elle critique le terme qu'elle a employé elle-même, en fait, dans des singes, des cyborgs et des femmes. Hein, le sous-titre était la réinvention de la nature. Elle dit, ok, je me détache de ce terme, car en effet, la nature ou ce que l'on veut désigner à travers la nature, finalement, ça n'a pas été simplement quelque chose comme une pure invention, une pure construction culturelle. C'est le premier point. Il y a bien des réalités derrière, en fait. Il y a bien quelque chose qui, derrière ce mot, nous préoccupe, nous importe, quelque chose qui a une certaine densité et qui a des implications dans nos vies. Je crois que ça, c'est vraiment très important pour elle, quoi. Alors, le deuxième point, c'est que effectivement, la nature tel que on l'entend dans la philosophie traditionnelle, c'est-à-dire un ordre qui aurait ses lois propres et qui se distingue de l'ordre culturel humain et qui présupposerait du coup que l'ordre de la nature soit aussi mis à part ou à l'écart, par exemple, de l'artifice, hein, l'idée de culture, on va dire une idée un peu commune de la culture, c'est qu'elle représente un artifice par rapport à ce qui est donné. Donc entre à partir du moment où on se met à faire travailler la dualité de la nature et la culture, on en a plein d'autres qui arrivent après, qui sont souvent d'ailleurs des dualités hiérarchiques, où on a l'artifice d'un côté, le donné de l'autre, hein, le donné comme plus originaire et l'artifice comme étant second. On a aussi la femme et l'homme, c'est-à-dire quelque part ce qui est un peu primitif et proche du vital d'un côté versus ce qui représente la civilisation et la maîtrise, etc. Le problème de la dualité entre nature et culture, c'est qu'elle est souvent une dualité hiérarchique et qu'elle en fait fonctionner des tas d'autres et qu'elle instaure des tas de coupures. Et je pense que ce qui a importé à Donna Haraway, c'est de montrer les conséquences qui sont impliqués par ces coupures, parce que souvent, cette coupure est effectivement un tracé, une frontière, qui va aussi valoir pour une délimitation hiérarchique. Et donc, quand on cherche à distinguer deux ordres, la question est, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Quelles sont les implications? Et qu'est-ce qu'on va en tirer comme leçon potentielle pour notre vie? Et pour ce qui concerne la différence entre nature et culture, on sait bien qu'elle s'est déclinée assez fréquemment sous une différence genrée. Ben, on sait aussi qu'elle est hiérarchique, c'est-à-dire les femmes comme étant, par exemple, le corps des femmes comme lui-même otage en quelque sorte des émotions, de ce qui vient du fond du corps, de ce qui n'est pas maîtrisé, de ce qui n'est pas du côté de la conscience ou de la rationalité intellectuelle, et d'autre part le masculin comme étant de l'autre côté de cette frontière, capable de rationalité, capable de maîtrise, etc., etc. Et on sait que les féministes, et on doit ici rappeler que Donna Haraway est elle-même une grande figure de la théorie, de la pensée, de l'engagement féministe. Ben, les féministes ont beaucoup travaillé sur la manière dont les hiérarchies qui sont cachées derrière les dualismes en fait ont servi les rapports de domination ou les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes, ou disons entre les genres, pour parler un peu plus largement. Donc la frontière, elle a une importance aussi qui est à la fois, je dirais, éthique et politique. Elle doit être questionnée. Et le troisième point par rapport à la nature, me semble-t-il, c'est que quand elle parle des espèces et qu'elle nous rappelle que l'étymologie, ça veut dire au fond spécifier, c'est-à-dire faire des différences, ou plutôt mettre en évidence les différences que nous sommes capables de faire dans la nature, eh bien ça montre que la nature est elle-même, ou ce que nous appelons la nature, en fait, est un, on pourrait dire, un champ de réalité où pullulent des différences. Ces différences nous intéressent, ces différences, on a envie de les mettre en évidence, et c'est au fond un univers qui est un plurivers, qui est un univers extrêmement hétérogène. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec cette idée quand même de coupure entre nature et culture que Donna Haraway veut mettre en avant, c'est qu'on pourrait penser que cette coupure entre nature et culture permettent de préserver la nature de nos projections culturelles, de nos dualismes. Or, vous êtes en train de nous dire, Florence Cavette, qu'au contraire, cette coupure ne préserve pas du tout un savoir scientifique, parce que la question quand même qui se pose par rapport à la nature, à savoir comment la connaître, est mise en péril par le fait qu'il n'y ait plus de frontières entre la nature et la culture. Ça veut dire que dès qu'on tente d'élaborer un savoir scientifique, on va sans cesse être contaminé en fait par nos idées, par une idéologie, par nos concepts, par nos hiérarchies. Alors, oui et non. Je me demande si je dois accepter votre terme contaminé. Alors oui, on est, bien sûr, on est contaminé, puisque il nous faut bien des outils pour observer. Il nous faut des récits pour percevoir une évolution. Donc, on arrive toujours avec un certain bagage à partir du moment où on se met en tête ou comme objectif de explorer les réalités qui nous entourent. Donc effectivement, on a toujours quelque chose qui est là. Mais s'agit-il d'une contamination ou s'agit-il simplement des instruments dont tout simplement nous avons besoin. Et les instruments dont nous avons besoin, ben c'est d'abord notre corps qui peut toucher, qui peut explorer, notre corps avec nos yeux qui nous permettent de voir. Et puis, ce qui existe probablement depuis les temps le plus reculés, des instruments qui nous permettent d'explorer, de palper, de toucher, de faire des différences, qui sont d'ailleurs vitalement importantes pour nous, hein, tous les êtres, comment est-ce qu'on pourrait dire, tous les êtres vivants ont besoin d'une connaissance qui est elle-même, comment est-ce que je vais dire, thématique, structurée ou pas, qui passe par le langage ou pas, mais du monde qui nous entoure. On doit pouvoir faire la différence entre les plantes qui nous empoisonnent et celles qui nous nourrissent et qui nous permettent de reproduire notre propre vie. Donc en fait, tous les êtres vivants ont des capacités de discernement, et ces capacités de discernement, bah, chez les humains, elles sont particulièrement élaborées, elles sont élaborées pour elles-mêmes, et elles se retrouvent dans l'instrumentation scientifique. Et donc je dirais que pour Donna Haraway, ça c'est pas seulement des risques de biais, ce sont tout simplement des instruments. Et plutôt que de fantasmer une nature que nous devrions pouvoir atteindre à partir d'un regard qui serait, voilà, d'un regard qui serait neutre, d'un regard qui serait indemne de tout préjugé, etc. L'important, ou la question importante, est de savoir ce que nos instruments nous permettent de voir, ce qu'ils nous cachent, ce que par définition ils ne peuvent pas nous donner à voir. Un microscope va nous donner certaines choses à voir, mais va aussi éliminer certains aspects de notre champ de perception. Et donc ce qui est important, c'est pas d'imaginer que nous pourrions en quelque sorte nous débarrasser de tout ce qu'on appelle nos biais cognitifs, mais c'est plutôt d'interroger nos instruments, de réfléchir à ce qu'ils nous donnent à voir, ce qu'ils éliminent de notre champ de vision, ce qu'ils invisibilisent, ce qu'ils rendent invisible, et de travailler aux conséquences et aux implications des instruments de vision, de palpation et d'exploration dont nous nous dotons, que nous nous donnons, que nous construisons. Voilà. Ça veut dire que de ce point de vue, il est impossible pour Haraway, mais pour d'autres historiennes des sciences ou pour d'autres épistémologues féministes, il est impossible de fantasmer un regard objectif ou neutre. Il faut renoncer à cette vision ou à ce fantasme en fait de l'innocence de la vision et s'engager pleinement dans l'idée que au fond, aucune vision n'est innocente. Que nos instruments, que nos appareils pour explorer la nature sont non innocents. Et ce qui est important, alors, c'est d'explorer les conséquences du positionnement, les conséquences des, comment est-ce qu'on pourrait dire, des médiations, en fait, que nous fabriquons pour nous connecter au reste du monde, le connaître, l'utiliser, s'y engager, se lier avec lui. Voilà. Les histoires scientifiques ne sont sûrement pas innocentes. Il est vrai également qu'aucune catégorie d'histoire ne peut se soustraire aux règles de composition et d'élaboration propres à un genre littéraire ou didactique particulier, soit, dans le cas qui nous occupe, le discours des sciences de la vie. Il me semble important de démystifier ces règles. La nature ne se découvre pas toute nue dans une couche fossilifère ou dans une forêt tropicale. Elle est construite, historiquement constituée. Elle est aussi très disputée, et les femmes se sont lancées dans la bagarre avec enthousiasme. J'ai vite reconnu le mâle adulte moins craintif que les autres. Je le connaissais de vue, parce qu'il avait des poils blancs très reconnaissables au menton. Et à la différence des autres, il n'a pas pris la fuite. Après des mois d'observation patiente et soutenue, j'étais récompensée. Les chimpanzés m'avaient acceptée. Peu à peu, j'ai pu pénétrer dans un monde magique, un monde qu'aucun être humain n'avait jamais exploré. Celui des chimpanzés sauvages. Les histoires des femmes scientifiques ne sont ni plus jolies, ni plus naturelle que celle que composent les hommes. Leur déroulement obéit lui aussi aux règles qui guident la pratique sociale publique de la science. Les femmes contribuent à fixer ces règles. Cette tâche prosaïque requiert l'énergie qualifiée du vécu concret des femmes. La responsabilité de la qualité des histoires scientifiques, de la signification des récits comparatifs, du statut des modèles, n'a rien de mystique. Elle comprend plusieurs facettes et elle est potentiellement accessible aux femmes ordinaires dans ou hors des institutions scientifiques. Refuser de le voir, ne pas participer au processus social de fabrication de la science, se focaliser sur les us et les abus des résultats du travail scientifique, c'est faire preuve d'irresponsabilité. À mon sens, il est moins responsable encore, dans les conditions historiques actuelles, de continuer à dérouler, à propos de la nature, des contes anti-scientifiques qui idéalisent les femmes, les fonctions nourricières ou toute autre entité prétendument exempte d'une pollution mâle au relent guerrier. C'était un extrait du livre de Donna Haraway, Des singes, des cyborgs et des femmes, la réinvention de la nature, texte paru en 1991. C'est un texte très dense, on doit le dire, Florence Kaymax, où elle nous dit que les histoires scientifiques ne sont sûrement pas innocentes, ce que vous nous avez dit juste avant, Florence Kaymax. La nature ne se découvre pas toute nue, ça aussi, on en a parlé. Mais ce qui est intéressant, en fait, à propos, pour revenir à ce problème des biais cognitifs, c'est qu'il ne s'agit pas de s'en débarrasser. D'ailleurs, en fait, il ne suffit pas de féminiser une profession pour que l'on se débarrasse de biais de genre, de hiérarchie, de biais socio-politiques, d'intention pour purifier d'une certaine manière un savoir scientifique. Il ne suffit pas donc de cette féminisation. Il suffit surtout de s'interroger en fait sur ces biais-là et de se les découvrir à soi-même pour pouvoir travailler autrement. Et c'est là que Donna Haraway nous parle de responsabilité, ce qui est un terme très fort. C'est-à-dire que la science chez elle n'est pas seulement une question de savoir épistémologique, mais presque un savoir politique, on pourrait dire. Ah oui, oui, on peut dire que tout à fait, que la perspective de Haraway, elle est à la fois épistémologique et politique. C'est en ce sens une théorie féministe épistémo-politique. Alors, c'est amusant, c'est très amusant ce texte. Je fais observer à vous-même et aux auditeurs que Haraway dit « La nature ne se découvre pas toute nue dans une couche fossilifère ou dans une forêt tropicale ». C'est très intéressant parce qu'on voit très bien qu'elle va faire jouer ici des métaphores qui sont une allusion au fond des rapports genrés, hein, donc la femme comme quelque chose qui se découvre toute nue, etc., etc. Donc le texte travaille de cette manière, on l'avait dit en commençant, c'est-à-dire avec un côté littéraire où on fait jouer les mots, c'est très très important. La nature est construite. Alors l'allusion dans ce texte est au fait que, alors c'est une chose que nous n'avons pas encore dite ici, mais que la primatologie est une science où les femmes ont joué un rôle très très important. Alors c'est une science où, bizarrement, elles sont arrivées à partir des années 60, et c'est aussi quelque chose que Donna Haraway a mis en évidence dans ses travaux. C'est très intéressant. Elle parlait des filles de l'homme chasseur qui arrivent sur le terrain, c'est-à-dire sur le terrain des observations des primates dans leur vie, dans leur milieu, on va dire, dans leur milieu naturel. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que la primatologie est au départ une science très masculine, notamment parce qu'elle implique de l'étude de terrain, parce qu'elle implique du contact avec des animaux qui peuvent être parfois agressifs, etc. Donc les hommes sont d'abord très présents dans ce domaine. Et de manière assez significative, on voit que les préoccupations ou les questions qui donnent le fil aux anthropologues et aux primatologues sont des questions qui sont du type comment s'organise un groupe, à quoi doit-on la naissance d'un groupe social, est-ce que c'est l'utilisation d'outils, etc. Et il y a une figure très importante dans les récits de la primatologie qui est effectivement celui du mâle dominant, du mal qui à la fois semble être celui par qui l'organisation sociale se met en place, ou quelque chose comme une organisation sociale se met en place, et c'est aussi une représentation de l'organisation sociale qui va donner une place tout à fait significative à la figure du chasseur, au détriment souvent du rôle de ceux qui sont des cueilleurs ou des ramasseurs, en fait, dans les organisations sociales primates ou chez les primates anthropoïdes, etc. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes sont importantes dans l'histoire de la primatologie? Eh bien, parce qu'elles seront évidemment sensibles aux schèmes qui habitent et aux questions qui habitent la primatologie, et elles vont avoir à cœur de renouveler les questions. Et très vite, en fait, le rôle des femmes dans la primatologie va être assimilé, effectivement, à la correction d'un biais. Et on dira également que toutes ces femmes, Jane Goodall et d'autres qui sont allées sur le terrain, ont, en quelque sorte, utilisé leurs ressources féminines, leurs caractéristiques féminines pour approcher les primates autrement, pour envisager autrement les relations sociales, mettre en visibilité ou en lumière des choses qui, juste là, étaient dissimulées par, on pourrait dire, les figures, par les récits ou les narratifs typiquement masculins qui habitaient cette science, etc., etc. Alors du coup, la primatologie, c'est très intéressant parce qu'on a vu, quelque part, qu'elle s'est radicalement renouvelée par l'arrivée des femmes sur le terrain, comme le dit Haraway. Seulement, Haraway, elle va raconter cette histoire d'une manière un peu particulière et faire apparaître que le discours des femmes primatologues, des filles de l'homme chasseur, comme elle les appelle, en fait, n'est pas lui-même innocent. Il est lui-même chargé parfois de toute une série de préjugés non questionnés, par exemple, sur les capacités spécifiques des femmes, qui sont en réalité des capacités qui leur sont octroyées dans la division sociale du travail, par exemple, affectif ou ménager, qu'elles ne questionnent pas vraiment, qu'elles utilisent, mais qu'elles ne questionnent pas vraiment. Elles ne questionnent pas la place qui est assignée, finalement, à ces capacités dites féminines. Et puis, deuxièmement, elle a aussi montré de manière assez subtile que certaines des filles de l'homme chasseur qui arrivent sur le terrain de la primatologie, donc dans ce domaine de science au départ réservé par les hommes, sont parfois aussi des femmes qui vont le faire avec tout un bagage idéologique et politique qui est celui du néolibéralisme, de la lutte pour la survie, et qui vont en fait remettre en question les vieilles représentations de la vie sociale des primates, mais au moyen de représentations alternatives qui, d'une certaine manière, sont elles-mêmes très genrées et finalement vont, par exemple, beaucoup plus valoriser la vision de la société comme compétition féroce plutôt que comme calme organisation hiérarchique traditionnelle. Et donc, au fond, elles vont elles-mêmes, en tant que femme, apporter des récits alternatifs, mais pour gagner la compétition scientifique. Alors, mais dans ce qui est une manière de dire que voilà, on ne peut pas simplement prétendre corriger des biais pour arriver à une représentation plus neutre, mais qu'il faut effectivement construire une posture de responsabilité par rapport aux récits que l'on enclenche avec les découvertes scientifiques que l'on veut partager. Mais alors, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de privilégier ce terme de responsabilité qui a vraiment une forte résonance effectivement politique, plutôt que des notions comme, par exemple, le fait d'être dans le juste ou dans la vérité. Est-ce que ce sont des notions que Donna Haraway laisse tomber pour privilégier finalement l'idée non pas d'une vérité ou d'une justesse des faits, mais plutôt se focaliser sur l'idée d'un récit qui soit en fait responsable, dont on assumerait les conséquences? Oui, je crois que Donna Haraway fait quand même partie de toute une constellation de penseurs qui ont mis en évidence, on pourrait penser à Foucault, on pourrait penser à Nietzsche, etc., qui ont mis en évidence le coût de la référence à la vérité, au sens classique du terme, c'est-à-dire qui présupposerait que derrière le discours, derrière la construction intellectuelle, etc., il y a une vérité où il y a une certaine manière exclusive de dire le vrai. Alors si, après, la vérité, c'est le mot pour désigner notre passion pour la connaissance, notre recherche d'une connaissance qui soit juste, c'est-à-dire qui soit bonne, une connaissance qui puisse nous servir, qui puisse nous donner un levier pour raconter de nouvelles histoires, par exemple plus inclusives, plus riches politiquement, plus égalitaires, plus démocratiques, etc. Alors peut-être qu'on peut encore se revendiquer de la notion de vérité, mais à condition que cette notion de vérité ne soit pas strictement accolée à l'idée d'une objectivité qui serait capturée depuis un point de vue innocent. Alors si la vérité c'est quelque chose comme une recherche ou comme un effort, comme quelque chose comme un engagement pour les mondes dans lesquels nous vivons, alors peut-être peut-on encore s'en revendiquer, mais vous voyez bien que c'est une compréhension ou une approche très différente de la conception, on pourrait dire, monolithique et un peu autoritaire de la vérité qu'on a souvent admise implicitement en science et en philosophie. Voilà. Donc la question, en effet, et l'enjeu, à mon avis, c'est la responsabilité. Et ça veut dire que pour des théoriciennes comme Donna Haraway, mais aussi, je pense, d'autres épistémologues féministes, ça signifie que, quelque part, la question des valeurs, la question des enjeux éthiques et moraux, mais aussi politiques, elle ne vient pas après les sciences, elle ne vient pas au moment, par exemple, des comment est-ce qu'on pourrait dire, des applications technologiques et sociales des sciences. Elle est là dès le début parce que nos sciences, qui sont en quelque sorte nos réservoirs mythologiques dans l'époque contemporaine, en fait, ou les réservoirs mythologiques de la modernité, engagent immédiatement des histoires, engagent immédiatement des valeurs, engagent la manière dont nous nous connectons au reste du monde, aux autres vivants, aux autres humains, aux autres plus ou autres qu'humains, etc., etc. Ça veut dire que les enjeux éthiques et politiques sont là d'emblée, en fait. Je crois que c'est ça son message. Et de ce point de vue, il est impossible de prétendre, encore une fois, à chercher à accéder à une forme d'innocence de nos discours. Mais en revanche, ce que nous pouvons et que nous devons faire, c'est de travailler à se rendre responsable des découvertes que nous faisons et des vérités que nous cherchons à construire à propos du monde qui nous entoure. Et ça, c'est effectivement un point majeur, quelque chose qui devient de plus en plus, me semble-t-il, saillant et explicite à mesure que son travail a avancé depuis l'essai sur le cyborg ou ses travaux sur les primates. Les bestioles sont en jeu les unes dans les autres, dans chaque mélange, dans chaque brassage de ce tas de compost qu'est Terra. Nous habitons les humusités, pas les humanités. Nous sommes compost, pas post-humain. Philosophiquement et matériellement, je suis compostiste, pas post-humaniste. Les bestioles, humaines et non humaines, deviennent avec, les unes avec les autres. Elles se composent et se décomposent mutuellement, à toutes les échelles, dans des enchevêtrements sympoïétiques relevant de tous les registres de temps et d'affaires en tout genre, au milieu de mondes terrestres éco-évo-dévo qui se font et se défont. Les bestioles, êtres humains compris, sont présentes les unes pour les autres. Mieux, elles sont, quoique jamais tout à fait, dans les tubes, dans les plis et les crevasses des unes et des autres. Elles sont à l'intérieur et à l'extérieur des unes et des autres. Nous devons de toute urgence prendre des décisions et opérer des transformations. Nous devons, en ces temps d'urgence, apprendre ou réapprendre à devenir moins meurtriers, à faire preuve de plus de responsabilité, à nous accorder, à nous révéler capables de surprendre, plus aptes à pratiquer les arts de bien vivre et de bien mourir en symbiose sur une planète abîmée. C'était un extrait de Vivre avec le trouble de Donna Haraway, interprété par Hélène Losser. Chapitre 3, Saint-Poyèse, la symbiogenèse et les arts de vivre avec le trouble. C'est un livre qui est paru en 2016. On voit bien, comme vous l'avez dit, Florence Kaymax, effectivement, que les questions sociales, politiques, éthiques ne doivent pas arriver avant des considérations ne doivent pas arriver après des considérations épistémologiques, mais bien en même temps, et on l'a entendu dans ce texte, où effectivement, elle a déjà en tête un certain nombre de questions sur les arts de bien vivre et de bien mourir en symbiose. J'aimerais que vous m'expliquiez ce que ça veut dire bien mourir en symbiose selon Donna Haraway. Ah, alors, disons très rapidement que d'abord on voit ici qu'on a quitté le terrain des primates, c'est-à-dire des vivants qui, en première apparence, nous ressemblent, qu'on entre dans un univers de la biologie du tout petit, de ce qui nous est resté très très longtemps invisible, de tous les êtres microscopiques qui permettent la reproduction de la vie sur cette planète. Alors, on entre également là aussi dans finalement une approche qui est encore plus écologique, en fait, du monde, dans laquelle Donna Haraway dit nous n'occupons pas une position ou par rapport à laquelle nous n'occupons pas une position d'extériorité. En fait, la vie qui est la nôtre, nous les humains, nous la devons à des êtres autres qu'humains, à des êtres plus qu'humains, et même peut-être à tout un, comment est-ce qu'on pourrait dire, à tout un mécanisme en fait du vivant, ou on pourrait dire tout un énorme processus des vivants entre eux, qui permet à la planète tout simplement de fonctionner, et donc à nos vies, à nous les humains d'être là. Et Donna Haraway, dans son dernier, dans ce livre de 2016, est en train d'élaborer une, en recourant justement à la biologie de ces êtres subterrestres ou des micro-organismes que sont par exemple les virus, etc., d'élaborer d'autres figures des réseaux du vivant, on pourrait dire. Et de ce point de vue, une des figures qui apparaît, qui est celle du compost, nous permet de comprendre autrement notre place et de nous voir en quelque sorte comme intrinsèquement reliés ou impliqués dans la vie les uns des autres. C'est un terme qu'elle emprunte à deux chercheuses qui sont Carla Hustak et Natasha Meyers, qui ont écrit un très très beau petit texte qui s'appelle Le ravissement de Darwin, le langage des plantes, et qui parle d'une implication réciproque des êtres les uns dans les autres. Alors, là, on voit Donna Haraway essayer de dresser un portrait du vivant qui est une conception radicalement écologique du vivant, c'est-à-dire qui prend en considération véritablement les milieux et les milieux eux-mêmes comme fabriqués par les vivants dont nous sommes, c'est la première chose. Et en même temps, un point très important, et je pense qui lui est auquel on doit vraiment rendre hommage et auquel on doit vraiment prêter attention, qui est que pour autant il ne s'agit pas chez Haraway de faire une espèce de célébration du vivant ou de la vie comme telle. Je pense que de ce point de vue, il n'y a pas de sacralisation de la vie. Voilà, il n'y a pas de sacralisation de la vie parce que tout simplement elle va aussi en même temps nous rappeler que c'est ce que cette vie doit finalement à la mort d'autres organismes. Et pour autant, cette tentative d'articulation de la mort et de la vie, cette tentative de replacer les processus de mort dans la vie, sont pensées non pas du tout dans la perspective, on pourrait dire, de la destruction ou de la compétition ou du sacrifice finalement, mais plus exactement sur ce que nous devons aux organismes qui meurent, qui cèdent la place, qui se décomposent. Et je pense qu'on a là vraiment quelque chose qui est crucial pour la pensée écologique de demain, c'est-à-dire mesurer bien sûr ce que nous faisons dans un processus qui actuellement est avéré être un processus de destruction de nos milieux en fait, et peut-être même des conditions de possibilité de la vie et de la reproduction de la vie. Et la question est non seulement de ce que nous pouvons faire pour les vivants, mais aussi du coup de la place et du rapport que nous construisons avec la mort et avec certainement les morts. Merci voilà. beaucoup Florence Caymac. Je rappelle votre ouvrage Habiter le trouble avec Donna Haraway, texte réuni et présenté par vous-même avec Vinciane Després et Julien Pierron aux éditions Du Dehors. Et puis aussi de Donna Haraway, Vivre avec le trouble, traduction de Vivien Garcia aux éditions des Mondes Affaires. Des singes, des cyborgs et des femmes, la réinvention de la nature, traduction d'Auristel Bonis aux éditions Jacqueline Chambon. Et enfin, je ne l'ai pas dit hier, donc je le dis, le manifeste cyborg et autres essais science, fiction, féministe, une anthologie de Donna Haraway établie par Laurent Salard, Delphine Gardet et Nathalie Magnan aux éditions Exil. Merci beaucoup. Écoutez Patti Smith, Space Monkey, vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment respecter le corps ? Nous faisons parfois une distinction qui nous semble évidente entre nous-mêmes et notre corps. Nous pensons que nous avons un corps, que nous pouvons faire tous les usages du monde et qu'il est à notre disposition en quelque sorte. Mais dès que nous observons une violence faite à un corps, une violence faite à un corps humain en particulier, c'est bien de cela qu'il faut partir. Par exemple, un coup adressé à un corps qui peut le détruire ou une torture parfois systématique, nous comprenons bien que cette distinction entre nous et le corps ne tient pas, que toute violence faite à un corps est une violence faite à la personne qui en est, dans le cas des corps vivants, le sujet, et dans le corps humain, le possesseur finalement, puisque pour protéger les corps, pour respecter le corps, la loi humaine a progressivement, et cela a pris des siècles, défini le corps comme une partie de la personne justement, non pas comme un objet dont nous pouvons disposer de l'extérieur, mais comme une partie de notre être auquel personne, pas même nous-mêmes, pouvons nous adresser comme à une partie du monde extérieur que nous pourrions traiter comme à un bien parmi d'autres, par exemple que nous pourrions vendre ou acheter, dont nous pourrions faire de telle ou telle partie un commerce ou l'objet d'un prélèvement obligatoire. Toute la bioéthique dans tous les pays démocratiques est fondée sur cette indistinction de la personne et de son corps, sur le fait de limiter les usages possibles du corps, et en particulier, par exemple, quand on a besoin d'observer certaines parties du corps pour en sauver d'autres, puisque, bien entendu, notre corps est quand même fait de parties isolables de matière. Il y a, par exemple, des organes que l'on peut transférer, greffer. Il y a du sperme ou du sang que l'on peut transmettre pour sauver d'autres corps. Eh bien, il faut quand même passer par la volonté de celui qui en est le sujet, par l'indistinction de ce corps et de cette personne, qui fait que seul le don est une manière légitime de transmettre des parties du corps sans léser la personne qui en est le sujet. On ne touchera pas à mon corps sans ma volonté. Je suis indiscernable, non distinguable de ce corps qui est le mien, et quand on le fait souffrir, on me fait souffrir moi-même. Simone Veil, dans un texte majeur intitulé « La personne et le sacré », disait « Si je dois respecter une personne, ce n'est pas cette personne que je dois respecter indépendamment et en plus de son corps. Ce corps, c'est elle, c'est lui. Le respecter, c'est respecter ce corps. Et finalement, les interdits moraux passent toujours par des limites aux actions faites au corps. Et on ne peut respecter la personne qu'en respectant son corps et inversement. Le respect des corps, pourtant, ne consiste pas seulement dans des interdits, dans l'interdit de certaines violences, de certaines actions. Respecter le corps, c'est respecter aussi son monde, c'est respecter son habitat, c'est respecter sa manière de vivre et c'est respecter les relations entre les corps dans l'élevage industriel, dans les certaines manières de traiter l'ensemble des corps vivants. Nous voyons bien la violence faite au corps et finalement à la manière d'habiter le monde en général. Les corps se respectent les uns les autres, se regardent les uns les autres, y compris quand parfois ils doivent s'affronter ou être en conflit les uns avec les autres. Respecter le corps en partant de la personne humaine, des droits des corps humains les uns à l'égard des autres, qui implique parfois de consentir à certaines violences pour se soigner, mais aussi parfois dans les rapports avec les autres corps vivants que nous devons transformer pour agir. Nous devons néanmoins toujours avoir le respect des corps, car le respect passe toujours par le corps. Merci beaucoup Frédéric et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Antoine Ravon, Adèle Vendrette, Anaïs Isbert, avec Laurence Malonda et Nicolas Berger à la réalisation et à la prise de son aujourd'hui, Jean-Guilain Meige et Hélène Losseur à la lecture des textes. Si vous voulez réécouter cette deuxième émission sur Donna Haraway, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo et sur l'application Radio France. Rendez-vous demain, moi, femme blanche d'âge moyen américaine radicale, ce sera sur le féminisme de Donna Haraway et avec Elsa Dorlin. À demain.